Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si, honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduque, décrépit, une ruine d'homme, adossé contre un des poteaux de sa cahute, une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelle, coulants et fumants, éclairaient trop bien encore la détresse. Partout, la joie, le gain, la débauche. Partout, la certitude du pain pour le lendemain. Partout, l'explosion frénétique de la vitalité. Ici, la misère absolue. La misère affublée, pour comble d'horreur, de haillons comiques, où la nécessité, bien plus que l'art, avait introduit le contraste. Il ne riait pas, le misérable. Il ne pleurait pas. Il ne dansait pas. Il ne gesticulait pas. Il ne criait pas. Il ne chantait aucune chanson, ni gaie, ni lamentable. Il n'implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé. Il avait abdiqué. Sa destinée était faite. Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les lumières, dont le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère. Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie, et il me sembla que mes regards était offusqué par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber. Que faire? À quoi bon demander à l'infortuné quelle curiosité, quelle merveille il avait en montré dans ces ténèbres puantes, derrière son rideau déchiqueté? En vérité, je n'osais. Et, dû la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerai que je craignais de l'humilier. Enfin, je venais de me résoudre à déposer en passant quelque argent sur une de ces planches, espérant qu'il devinerait mon intention, quand un grand reflux de peuple, causé par je ne sais quel trouble, m'entraîna loin de lui. Et, m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur, et je me dis, je viens de voir l'image du vieil homme de lettres, qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète, sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer.